C. Prends cette roue quand tu sors. Mesdames, messieurs, vous avez 15% de réduction sur les piles. Ne cherche plus, le crayon est dessus. Séverine, tout va bien? Votre vue s'améliore, alors cessez de vous plaindre. Tu crois qu'il a dit charme ?